Jean Davilaín, Mystiques espagnols, par Paul Rousselot agrégé, professeur de philosophie au lycée impérial de Dijon, 1867. Extrait. Les mystiques espagnols, dès avant le siècle de la Renaissance et de la Réforme, mais particulièrement à cette époque, personnifie un mouvement religieux dont la place est marquée dans les annales de l'Église. Il constitue en outre le plus réel de l'apport philosophique de l'Espagne, en sorte que, tout en fournissant un chapitre à l'histoire du catholicisme, ils doivent en fournir un autre à celle de la philosophie. Chapitre 3, page 146 de l'ouvrage. Jean Davila, il naquit l'an 1500, d'une famille considérée, à Almodóvar del Campo, dans l'archevêché de Tolède. Il fit ses études à cette célèbre université d'Alcalá, qu'est venait de fonder Ximénez, et il y eut pour maître de philosophie le père Dominique de Soto, célèbre alors par ses commentaires sur saint Thomas, ordonné prêtre. Il favorisa l'enseignement de la théologie et même de la philosophie dans les principales villes de l'Andalousie, notamment à Cordoue. On lui dut aussi à Baeza l'institution d'un collège de prêtres qui fut l'origine de l'académie de ce nom. Mais par vocation il était spécialement directeur de conscience et prédicateur. Ses lettres de direction forment une partie considérable de ses œuvres, et on l'a surnommé l'apostole de la Andalusia. Il ne put néanmoins se dérober à la défiance des inquisiteurs. Interrogé en 1534, il se justifia, et lui, même fut commis dans la suite à l'examen des erreurs de Madeleine de la Croix et des doctrines de Sainte Thérèse. Toutefois, s'il faut en croire Laurent, un de ses ouvrages aurait encore été mis à l'index en 1559. Date sinistre des premiers autodafés de protestants, il mourut le 10 mai 1569. Comme sermonnaire, nous ne pouvons l'apprécier que par analogie et d'après quelques-unes de ses lettres qui sont, comme Thich Nhat le remarque avec assez de justesse, de véritables sermons. Elles dénoteraient une éloquence vive et naturelle, une facilité de parole un peu diffuse par instant, mais prenant sa source dans l'émotion intérieure et la force de la conviction, du mouvement, des images, parfois de l'obscurité et quelques taches du mauvais goût. J'imagine que Jean Davila n'écrivait pas ses sermons et parlait, comme le voulait Fénelon, d'abondance de cœur. La réponse qu'on lui attribue à un prédicateur qui lui demandait des conseils est bien dans cet esprit: ce qu'il y a de mieux, c'est d'aimer beaucoup Jésus-Christ. Comme écrivain religieux et directeur de conscience, il nous est parfaitement connu par ses nombreux écrits. En voici la liste. 1. Règle fort utile pour marcher dans le chemin du Seigneur, au nombre de 32. 2. 10 autres préceptes de même nature. 3. Instruction à un jeune homme pour s'avancer dans le chemin de l'esprit. 4. Explication des paroles du Christ sur la montagne. Beati pauperes spiritu. 5. Traduction en vers de l'hymne Pangé, Laingua, suivi d'un autre également traduit. 6. 13 traités sur les fêtes de la Vierge et de Saint Joseph. 7. 5 traités sur la venue du Saint-Esprit dans nos âmes. 8. 27 traités sur l'amour de Dieu et le sacrement de l'Eucharistie. 9. 4 livres de lettres à des personnes de toutes conditions, en tout 195 lettres, publiées pour la première fois en 1569. 10. Enfin le plus important de tous, le traité Odi, Filia, en 113 chapitres, précédé d'un prologue au lecteur, Il parut pour la première fois en 1556, Jean d'Avila a été traduit en français, mais partiellement. La traduction très estimable d'Arnaud d'Andilly, Paris, 1673, ne donne au complet que le traité audit, Filia. Je n'ai pas dessein d'entrer, à propos de chacun d'eux, dans une analyse semée de redites, chercher dans quel esprit ils ont été composés, comment et dans quelle mesure le mysticisme y apparaît. C'est le seul but que j'ai à me proposer et le seul résultat qui puisse intéresser le lecteur, l'étude du traité audit, Filia et de la correspondance nous y mènera le plus directement, en nous fournissant des traits essentiels que confirmeront, sans y rien ajouter, les indications recueillies dans le reste de ses œuvres volumineuses. La correspondance, en effet, est toute spirituelle, audit Filia n'était guère, dans le principe, qu'une lettre plus longue que les autres, une exhortation et un mémento adressé à une jeune personne nommée Sange de Carillo, fille de Louis Fernaudet de Cordoue, sur le point d'aller à la cour pour y être fille d'honneur de la reine, elle avait renoncé tout à coup au monde, et prié Jean d'Avila, qui n'était pas étranger à cette résolution, de la soutenir dans la voie où elle venait de s'engager. Nous n'avons pas la rédaction primitive, l'ouvrage, tel que nous le possédons, a été retouché par l'auteur et a reçu des développements qui en ont élargi le cadre original. L'idée chrétienne, semblable en cela à toute idée dont s'empare l'activité de l'esprit humain, n'a pu échapper entièrement, malgré la formule rigoureuse du dogme, à l'action des temps et des milieux, une dans son fond, variée dans ses manifestations, immuable, non immobile, elle a revêtu des formes diverses et des caractères particuliers suivant les époques et les circonstances. En Espagne, surtout au XVIe siècle, elle a été le catholicisme mystique. C'est dans ce sens-là qu'elle s'y est développée, dans ce courant naturel qu'elle a entraîné les âmes, les unes à bon escient, les autres à leur insu, celles-ci d'un mouvement impétueux, celles-là d'un souffle plus calme. La doctrine du renoncement, du mépris de la terre et de l'amour de Dieu n'est pas le mysticisme, mais elle peut y mener, suivant les tendances de chacun, l'application qu'on en fait, l'extension qu'on lui donne, c'est celle de Jean d'Avila, fuir le monde et se donner à Dieu, bien moins par horreur du monde que par amour pour Dieu, voilà tout son enseignement, ainsi que la portée de son commentaire sur le verset, « Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi concevra de l'amour pour ta beauté. » Psaume 44. La vie la plus parfaite et qui permet le mieux à la créature d'accomplir sa destinée, est la vie consacrée à Dieu, la vie du prêtre ou du moine. L'erreur et le péché s'insinuent dans l'âme par tant de portes qu'on ne les évite qu'en évitant le monde, ses pièges et ses entraînements. Il faut donc fermer ses oreilles au langage du monde, perfide et mensonger. Le faux honneur nous égare, le respect humain nous empêche même de comprendre les vérités que la raison nous enseignerait, à défaut de la foi, que le bien seul est une fin digne de l'homme, que l'homme doit mériter, que le témoignage de la conscience doit parler plus haut que la voix du monde, que les honneurs et les dignités, même au regard de la sagesse humaine, ne peuvent servir que de moyens. Non de but, il n'y a de grand, de beau et de vrai que la vertu, le langage de la chair n'est pas moins redoutable, la vie de la chair est la vie du corps, mais la mort de l'âme, la chasteté est un don de Dieu, et la virginité la plus excellente des conditions. Dieu est l'époux des âmes, mais un époux jaloux. Les tentations du monde et de la chair ne sont pas les seules. Le langage du démon, multiple comme ses ruses, souffle dans l'âme tantôt l'orgueil, tantôt, par un brusque retour, le désespoir, vérité d'observation profonde, et qui dénote chez Jean d'Avila une grande connaissance de la nature humaine. Que faut-il donc écouter? À quelle parole faut-il ouvrir son cœur? À celle de la foi? Tel est le sens du précepte audit, Philia, la foi est le fondement de la vie spirituelle, c'est elle qui nous justifie, qui nous sauve, elle a pour elle plus que la vérité qui nous porterait à la recevoir, elle a la beauté qui nous porte à l'aimer, nous l'aimons parce qu'elle est belle, nous croyons parce que nous aimons, croire. Voilà le premier hommage que nous puissions rendre à Dieu, le seul digne de lui, et le seul moyen de le comprendre. La vérité de la foi catholique est prouvée par les martyrs qui l'ont confessée, par la morale de l'Évangile, la plus pure qui se puisse voir, par les miracles, par la conversion des pécheurs que la grâce éclaire, par la bonté de Dieu qui comble les gens de bien de ses faveurs. Il en est qui se refusent à croire, parce que les vérités que la foi révèle sont en même temps si hautes, quand il s'agit de la majesté divine, et si basses, quand il s'agit de l'humilité d'un Dieu fait homme et crucifié, qu'il rejette les premières comme au-dessus de toute compréhension, et les secondes comme indignes de la divinité. Mais est-il raisonnable de prétendre que la créature doit égaler le Créateur en sagesse et en intelligence? L'infini est incompréhensible au fini, et si notre entendement pouvait concevoir l'infinité de Dieu, il serait Dieu, car il serait infini. Dieu est la suprême bonté, et comme la bonté n'est pas solitaire, il y a trois personnes dans l'unité de l'essence divine. Comme elle n'est ni stérile ni avare, elle tend à se communiquer en communiquant ses biens. Voilà le pourquoi de la création et l'explication de la Trinité. Si on ne le comprend pas, c'est une preuve que ces choses de Dieu par son incompréhensibilité même, que si on n'admet pas qu'un Dieu s'humilie au point de vivre pauvre et de mourir sur une croix de la mort des esclaves, c'est qu'on ne connaît pas l'amour de Dieu pour les hommes, amour qui a sa source non dans leur mérite, mais dans sa bonté. Pourquoi cette longue apologie de la foi, des miracles, ces réponses à des objections que sans doute la pénitente de Jean d'Avila ne lui avait jamais faites, une jeune fille qui, de gaieté de cœur, renonce aux illusions du monde avant que l'expérience lui ait appris que ce sont des illusions, aux joies de la vie avant de les avoir connues, croit et n'a pas besoin qu'on lui démontre la vérité d'une croyance à qui elle a tout sacrifié. Il y a là des traces évidentes d'une préoccupation étrangère à l'objet primitif de cet ouvrage, quoiqu'il date de la jeunesse de l'auteur. Qui dut le composer vers l'année 1529 ou 1530, et qu'à cette époque les premiers écrits de Luther eussent déjà fait parler de la réforme en Espagne. Néanmoins il est vraisemblable que cette partie tenait beaucoup moins de place dans la première rédaction. Depuis, Jean d'Avila avait assisté aux tentatives du protestantisme pour s'implanter en Espagne. Il n'avait pu se dissimuler qu'ailleurs il faisait courir de sérieux dangers à l'Église catholique, lui-même s'était vu inquiété par le Saint-Office, et la première publication de son traité avait eu lieu sans son aveu, avec de nombreuses incorrections. Tous ces motifs réunis durent l'engager à apporter le plus grand soin à l'édition qu'il finit, et à regret par en donner lui-même, 27 ans après l'avoir composé, et après la mort de celle à qui il l'avait d'abord adressé. De là cette partie apologétique, de là de fréquentes allusions à l'hérésie du temps. De là encore un développement assez considérable sur l'interprétation des Écritures. Nul n'a le droit ni la science de les expliquer que l'Église romaine, dont le pontife romain est le chef, s'arrogeait ce privilège et la marque d'un orgueil insupportable, et c'est l'orgueil qui, avec la chair, a égaré Luther. Après cette digression, commandée par la conscience de l'auteur et aussi par les nécessités de l'époque, on revient à l'objet direct de l'ouvrage, et l'inspiration mystique s'accuse de plus en plus. Perdre la foi est le plus grand des malheurs, parce que c'est perdre l'amour, s'engager dans les sentiers de l'infidélité est le plus grand des crimes, parce que c'est offenser la bonté et l'amour de Dieu pour les hommes. La foi fait le salut, mais jointe à l'amour, ou plutôt c'est l'amour lui-même, car elle procède de lui, comme l'effet de la cause. Madeleine a été pardonnée parce qu'elle a cru, elle a cru parce qu'elle a aimé. L'amour est supérieur à la foi, parce qu'il se lie à la volonté, avec laquelle les mystiques ont coutume de le confondre, et que la volonté est supérieure à l'entendement. C'est la psychologie du mysticisme chrétien. La vie des chrétiens doit être un témoignage de la vérité du christianisme, et ce témoignage n'est valable que tant que les fidèles accomplissent la parole du Christ à son Père. Que tous soient une seule chose, comme tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient réunis en nous. La grande loi en effet, c'est la loi de charité et d'amour. Aimer, c'est accomplir la loi. Aimer, c'est vivre. Une âme sans amour ressemble à un corps sans âme, elle est morte. Mais les créatures ne peuvent rassasier cette faim de l'âme, ni le monde contenter ses ardents désirs. Les créatures sont imparfaites et bornées, le monde, trompeur et méchant. C'est de l'infini que l'âme est affamée, c'est Dieu seul qu'elle convoite, car Dieu est le souverain amour. Ô abîme d'amour, océan d'amour sans fond et sans borne, peut on ne pas se croire plus riche que tous les rois de la terre lorsqu'on a le bonheur d'être aimé de vous? Comment donc reconnaître tant de bienfaits? En aimant nous-mêmes, et comment atteindre la fin de l'homme, qui est de ressembler à Jésus-Christ, plus encore, de s'unir à Dieu? Par l'amour, qui est le mobile de toute créature, comme l'union divine en est le but, tels sont les sentiments dont se nourrit Jean d'Avila, et dont il reproduit sans cesse l'expression, toujours avec un accent ému, parfois avec un mélange d'images bizarres et d'un goût douteux. J'en citerai un exemple. Ô amour, ô feu, ô flamme dont l'ardeur et les blessures embrasées pénètrent de telle sorte des cœurs qui paraissaient être de glace, qu'ils sont tous changés en amour. Que vous êtes donc doux et agréable, Seigneur, dont l'amour, la douceur, la bonté, la beauté et la clémence n'ont point de borne, enivrez-nous, embrasez-nous et blessez-nous par ce vin si délicieux, ce feu si doux, ce dard si pénétrant de votre divin amour. Votre croix est comme le bois d'un arc dont vos bras tendus sont la corde, et doux votre amour, tel qu'une flèche, a de telle sorte percé mon cœur, qu'il n'y a que la mort qui soit capable de guérir une si grande et si heureuse blessure. Note. J'ai reproduit ici la traduction d'Arnaud d'Andilly. Cette impatience de la mort est familière à tous les mystiques, mais tous ne l'expriment pas avec la même réserve. Après le commentaire du premier mot du verset audit, vient celui du second, vidé. À quels objets faut-il ouvrir les yeux? Aux choses de ce monde? Non, à celles de l'âme, pour s'étudier et se connaître soi-même. Ceux qui ont l'expérience de ces sortes de choses, savent que plus on ferme les yeux du corps aux objets extérieurs, Mieux on voit avec ceux de l'âme les choses intérieures, dont la vue est très agréable et très utile. Il faut avant tout regarder en soi-même pour se connaître, car il n'y a pire erreur que de se tromper sur sa propre nature, et de se croire autre que ce que l'on est. On touche ici de bien près à la philosophie, mais on conçoit que Jean d'Avillane ait traité cette importante question de la connaissance de soi-même qu'à un point de vue exclusivement chrétien. Il ne l'entend pas autrement, il ne cite aucun système de l'Antiquité. Il se borne à rappeler que quelques philosophes païens se crevaient les yeux pour mieux se recueillir dans l'observation intérieure. Porphyre en avait dit autant. La jeune fille pour laquelle il écrivait est dans la suite la majorité de ses lecteurs n'en auraient pas compris davantage. Mais s'il ne parle ni de Socrate ni de son école, il en suit les préceptes, et a insu, selon toute apparence, et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il s'appuie sur des pensées des livres 5 qui sont en quelque sorte celles de la doctrine socratique. Sans chercher ici la trace d'un principe philosophique, on peut donc noter au moins une rencontre frappante entre le sentiment religieux et la raison, des deux côtés, même point de départ, et, à le prendre d'une manière générale, même résultat, puisqu'il s'agit de s'élever de la connaissance de soi-même à la connaissance de Dieu. Nous verrons tout à l'heure que telle est aussi la marche suivie par Jean d'Avila. Mais, ce pas là ce qu'on dit Socrate et Descartes. Le sentiment et la raison ne sont donc pas entièrement ennemis, la philosophie et la foi peuvent s'accorder sur le point de départ, sur les moyens et conséquemment sur le but suprême. Toutefois, le mystique va plus loin que le philosophe. Non seulement la connaissance la plus importante est celle de l'âme, mais il n'y en doit point avoir d'autre, non seulement il faut voir clair en soi-même, mais encore détourner ses regards du monde extérieur, parce qu'il est laid et méchant. Le voir, c'est être aveuglé, car il empêche la vue de l'âme sur elle-même, c'est s'égarer. Le genre humain a été perdu par la faute de celle qui a regardé le fruit défendu, et qui l'ayant regardé, l'a convoité. Mettons un voile entre nous et toute chose créée. Le précepte est donc interprété dans un sens évidemment mystique. D'ailleurs, si l'homme doit se connaître, c'est surtout pour se mépriser. Il n'y a de salut que pour les humbles, pour ceux qui se détachent d'eux-mêmes comme du monde, et qui, persuadés de leur néant, renoncent à l'amour propre, à la volonté, seul moyen d'échapper à l'orgueil, par l'orgueil. L'homme est un animal semblable au démon, mais par la connaissance de son humilité, il ressemble aux anges fidèles. C'est par cette vue intime du peu que nous sommes qu'il nous est permis de nous élever jusqu'à la connaissance de Dieu. Ouvrez les yeux que Dieu vous a donnés pour le voir, c'est-à-dire votre entendement, et ne regardez plus que lui, comme une chaste épouse ne regarde que son époux. Dieu répandant les âmes ainsi convaincues de leur bassesse et détachées d'elles. Même une illumination si vive qu'elles entrent par le mépris de leur néant dans l'intelligence de sa propre grandeur. C'est ainsi que l'on comprend que la créature n'existe qu'en Dieu, qu'il nous a donné non seulement l'être, mais le bien-être, que la seule valeur de l'homme est le bien, c'est-à-dire l'amour de Dieu, qui est le bien infini, et que par suite le mal-être est pire que le non-être. Le pécheur est moins qu'un néant. Ainsi on revient toujours au mépris de soi, même qui conduit à la contemplation des perfections divines, perfections dont l'infinie bonté, l'amour infini sont les plus appréciables. Cette connaissance de Dieu se résume donc en ceci, après avoir fortement conçu le sentiment du mépris de soi. Même et en avoir profondément pénétré son cœur, qu'on lève les yeux vers le Seigneur, et toutes ténèbres disparaissant, l'âme sera inondée d'une céleste lumière qui lui fera voir qu'elle n'est rien par elle, même et que Dieu est tout, alors elle sera unie à Dieu, à ce Dieu qui est présent en elle, en qui elle existe, vit et agit. La plus sûre et même la seule manière d'avancer dans cette voie, c'est de pratiquer sans relâche l'oraison et la méditation. Plus on méditera sur la bonté de Dieu, sur son amour pour les hommes, sur sa passion, sur la mort, mieux on sentira ce qu'il est et ce qu'est l'homme. La pensée de la mort surtout doit nous être toujours présente, il faut même en évoquer les images visibles, le corps dans le tombeau, les vers, la poussière et la cendre. Ces malheureux restes dont Bossuet devait dire qu'il n'avait plus de nom, même celui du cadavre. Pendant que le corps s'en ira en poussière, que deviendra l'âme? Il faut que cette éternelle question de la destinée future soit bien impérieuse, pour que le croyant lui-même n'y échappe pas, et que le dogme infaillible qui répond pour lui ne puisse le dispenser d'y songer. On ne retirera pas une moindre utilité de l'examen de sa conscience, par rapport à la connaissance de soi-même, aucune faute ne passant inaperçue. On fera des progrès dans l'humilité et dans la crainte, surtout dans l'amour de Dieu. Rapprochement curieux avec le stoïcisme, qui recommandait et pratiquait cet examen de conscience, témoin Marc Aurèle. Même moyen employé pour s'avancer dans le perfectionnement moral, ici en vue de l'amour désintéressé du devoir, là eu vue de l'amour divin. Quant à l'oraison, elle est la condition essentielle de la vie religieuse. Jean d'Avila annonce à cet égard Louis de Grenade et Sainte Thérèse, l'oraison est une communication étroite et familière avec Dieu, un entretien secret et intérieur par lequel l'âme communique avec lui, soit par sa pensée, soit par ses demandes, soit par ses actions de grâce, soit par la contemplation, soit généralement par tout ce qui se passe dans ce secret entretien. Il veut que l'âme prenne connaissance de Dieu sans le secours de l'imagination et sans parole ni intérieure ni extérieure, et il trace le rôle des facultés, l'entendement et la volonté constituant la plus noble partie de l'homme, doivent être employés au service de Dieu, et à lui obéir, c'est ce que fait la volonté en s'annihilant elle, même devant la volonté divine, et l'entendement en ne croyant pas à lui-même pour ne croire qu'en Dieu, qui est la vérité, il faut croire, même sans comprendre. Le cœur doit avoir dans l'oraison plus de part que l'esprit, il faut s'abandonner à Dieu et le laisser agir. En général, Jean d'Avila ne demande pas à l'âme grand ressort, mais surtout la patience, l'espérance et l'amour. Le moyen de remporter l'avantage sur le démon est plutôt la résolution de souffrir avec patience que des efforts pour éviter la souffrance. Il ne permet pas néanmoins qu'on tombe dans l'excès de la vie contemplative. Il tient compte de l'action dans une certaine mesure, il invite sans cesse aux bonnes œuvres où il ne souffre point qu'on se relâche, à l'amour du prochain qu'il ne sépare pas de l'amour de Dieu, enfin il s'efforce de sauver le libre arbitre, qu'il semble avoir un peu sacrifié à la grâce, et qui périclite d'ailleurs dans toute doctrine de détachement et d'abnégation de la volonté. Après avoir rapporté ces mots de saint Paul, « Dieu opère en nous, comme il lui plaît, le vouloir et le faire », il ajoute, « Mais n'allez pas croire pour cela que le libre arbitre de l'homme n'opère pas dans les bonnes œuvres. Ce serait une grande ignorance et une grande erreur. Cela signifie que Dieu opère le vouloir et l'exécution, parce qu'il est le principal agent dans l'âme du justifié, qu'il meut doucement le libre arbitre. » le fait agir et coopérer avec lui. C'est en ce sens que saint Paul dit « Nous sommes les coopérateurs de Dieu ». Cela a lieu en ce qu'il nous excite et nous aide à donner librement notre consentement aux bonnes œuvres. Ainsi l'homme opère en cela, puisque c'est avec sa propre et libre volonté qu'il veut ce qu'il veut, et opère ce qu'il opère, et qu'il dépend de lui de ne pas le faire, mais Dieu opère principalement, car il produit la bonne œuvre et aide le libre arbitre à la produire. À Dieu seul est due la gloire de l'un et de l'autre. On peut dire que Dieu est l'auteur du bien plutôt que l'âme par elle-même, non que l'âme n'agisse pas, mais parce qu'elle agit en tant que cause seconde et mue par Dieu, principal et universel agent, dont elle a reçu le pouvoir d'agir. Jean d'Avila se tient ici à égale distance des réformés, des futurs jansénistes, et de certains mystiques aboutissant, par la négation ou le mépris du libre arbitre, les uns à la doctrine désespérante de la prédestination que l'Espagne a toujours repoussée et qu'elle n'eût certes pas acceptée de la main de Luther, les autres à des excès également fâcheux pour la morale et la foi. Il veut préserver l'homme d'un double écueil, l'orgueil et le désespoir. Il sauvegarde les droits de la liberté humaine, mais il craint que la créature, capable du bien, ne s'enorgueillisse de ce bien qu'elle peut faire, et il ne lui accorde de libre arbitre que ce qui est conciliable avec un mysticisme qui s'accommode du renoncement et se passerait de la volonté. Si la volonté n'était avant tout pour lui la faculté d'aimer, de là, si je ne me trompe, cet essai d'explication, qui, à part la tendance mystique de Jean d'Avila, n'est pas sans quelque analogie avec la doctrine désignée sous les noms de contempération, suavité, délectation victorieuse, et d'autre part avec la pensée de Bossuet sur le même sujet, du moins par le côté théologique, car Jean d'Avila ne traite pas la question en philosophe. Bossuet, qui admet le libre arbitre, professe comme Platon, comme Leibniz, que s'il est suffisant pour faire le mal, il ne l'est pas pour faire le bien, le defectus est de notre fond, personne n'a de lui-même que mensonge et péché, dit saint Augustin, el pecard et nos atroces, nos dédios, dit Jean d'Avila, et après tout, ajoute l'évêque de Meaux. De quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir à qui il faut demander la grâce de bien faire, à qui il faut rendre grâce quand on a bien fait. Il s'agit de reconnaître que Dieu incline les cœurs à tout le bien par des moyens très certains et très efficaces, et de confesser un pareil besoin de ce secours, tant dans le commencement des bonnes œuvres que dans leur parfait accomplissement. Il s'agit de reconnaître que la grâce que Dieu donne dans le temps, a été prévue, préparée, prédestinée de toute éternité, que cette prédestination est gratuite, à la regarder dans son total, et présuppose en Dieu une prédilection spéciale pour les élus. La vie intérieure suppose le cloître. Dieu ne souffre pas de partage, pour se connaître et le connaître lui-même, il faut se recueillir, l'oraison exige la solitude du corps comme celle de l'esprit, mais cette existence a ses dangers, qui découlent de sa sublimité même. Vivre toute une vie en face du moi ou de Dieu, s'abîmer dans la pensée de ses propres misères ou dans les enivrements de la contemplation, passer des ténèbres à la lumière, du néant à l'être, de rien à tout. Quel périlleux mirage, quel entraînement pour la créature à se croire en joue bête. Qu'est-ce que ces sécheresses de cœur, cette aridité de foi et d'amour, ces défaillances, ces mortelles tristesses qui saisissent l'âme dans l'isolement de la contemplation? Sinon l'involontaire aveu des excès du renoncement et de l'humilité. est une protestation inconsciente de la nature humaine, Jean d'Avila s'efforce de prémunir l'âme contre ses épreuves, il défend aussi, d'accord avec Louis de Grenade, qu'on se laisse aller à ces tristesses forcées qui ne produisent d'autre effet que quelques petites larmes, tout en reconnaissant avec beaucoup de sens et de vérité que la doctrine chrétienne n'est pas une doctrine stoïque qui condamne les passions, même louables. Il ne redoute pas moins, d'un autre côté, les écarts de l'orgueil, cet autre poison de la vie spirituelle. L'orgueil, l'amour propre, la bonne opinion de soi, autant d'armes que le démon manie contre nous. Mais derrière cette explication consacrée des faiblesses et des chutes humaines, quelle délicate analyse, quelle profonde connaissance du cœur et du cloître. Un des passages les plus curieux du traité Odifilia révèle chez Jean d'Avila une préoccupation constante de prudence et de sagesse, malgré la tendance instinctive qui le portait au mysticisme. Après avoir parlé de ceux qui se sont crus destinés à réformer l'Église et à la ramener à la perfection primitive ou même à un état encore plus parfait, il ajoute « D'autres ont voulu trouver des sentiers nouveaux, et abréger le chemin pour s'élever plus vite jusqu'à Dieu. Ils se sont mis sous sa main, s'abandonnant à lui et se laissant conduire par son esprit, de telle sorte que tous les mouvements de leur cœur leur semblaient la lumière et l'instinct de Dieu. S'ils ne sentaient aucun mouvement, ils n'agissaient point, même pour de bonnes œuvres. S'ils se sentaient portés à agir, l'œuvre fut elle mauvaise et contraire au commandement de Dieu, il ne laissait pas de l'accomplir, l'attribuant à l'inspiration divine et à la liberté du Saint-Esprit, qui les affranchissait de l'obligation d'obéir au commandement de Dieu, et prétendant aimer Dieu si véritablement que tout en négligeant ses commandements, il ne perdait pas son amour. Mais l'observance de la loi est inséparable de l'amour. Et la loi est inscrite dans la conscience du juste. Le mysticisme espagnol, en ce qui concerne ses plus illustres représentants, a su se préserver, sur cette pente glissante, des antiques erreurs des Bégars et des Vaudois, et il semble ici répudier à l'avance celle de Molineau et de Madame Guillon, en même temps que les raffinements de la mysticité dégénérée de Marie d'Agreda. Une autre porte est encore ouverte à l'erreur, c'est l'ambition des choses surnaturelles, le désir des visions et des révélations. Jean d'Avila ne les condamne pas, il reconnaît qu'elles peuvent procéder de la bonté de Dieu et être d'un grand avantage pour l'âme, mais comme elles peuvent venir aussi de l'esprit de ténèbres, il y faut un grand discernement, et surtout ne les point rechercher, car elles ne sont souvent que de périlleuses illusions suggérées par l'orgueil. Apportent-elles quelques remèdes à des nécessités spirituelles ou quelques édifications notables, nous rendent-elles plus humbles? Tel est le moyen de constater leur véracité. Il importe aussi de ne pas aller trop loin dans l'exercice de l'oraison, et de ne pas pousser la contention d'esprit jusqu'à la fatigue de tête. Je dois, ma chère fille, vous avertir de ne pas faire de trop grands efforts pour imprimer dans votre imagination l'image de notre Seigneur, car cela cause d'ordinaire un si grand mal que quelques personnes, persuadées qu'elles voient réellement ce qui n'est que dans leur esprit, en perdent l'esprit ou en conçoivent de l'orgueil. D'ailleurs, il en résulte une altération de la santé qui est presque sans remède. Citation du chapitre 75. Il ne sera pas hors de propos de rapprocher de cette citation la lettre qu'il écrivit à Sainte Thérèse après avoir lu la relation de sa vie qu'elle lui avait envoyée pour s'éclairer de ses conseils. Ce livre n'est pas propre à tout le monde, parce qu'en certains endroits il faut peser les paroles, en certains autres les expliquer. Continuez donc, ma mère, de marcher en la voie où vous êtes, mais en craignant la rencontre des voleurs, enquérez-vous toujours du chemin pour ne point vous égarer. Remerciez Dieu de vous avoir donné son amour, la connaissance de vous-même, le désir de faire pénitence et de porter votre croix, et ne vous mettez guère en peine de tout le reste. Un conseiller aussi sage devait connaître le prix d'un bon directeur. La vie religieuse n'est pas possible sans le secours d'un guide qui, selon l'occurrence, soutienne, rassure, relève ou rabaisse. Aussi insistait-il sur la nécessité de faire un bon choix, et le choix fait, de soumettre son propre jugement aux décisions du maître spirituel. Toutefois, il ne faut pas que celui-ci prenne la place de Dieu, et qu'il soit trop aimé. Ne le mettez pas dans votre cœur, laissez-le à la porte, c'est un ami de l'époux, ce n'est pas l'époux. Ce trait seul suffirait pour faire apprécier Jean d'Avila, prêtre instruit, sensé, initié par la pratique du confessionnal aux secrets les plus délicats du cœur, tout en prêchant l'amour de Dieu. Il fait preuve d'un esprit de retenue d'autant plus remarquable qu'il est moins commun chez un mystique. L'époque où il écrivait lui commandait d'ailleurs une grande circonspection. Le mysticisme offrait à la fois, troublé même à son insu, un asile qui n'était pas sans danger. Ce danger, les grands mystiques espagnols semblent en avoir eu conscience, par une sorte de clairvoyance spontanée, de là chez eux, et chez Jean d'Avila en particulier, ce rare mélange d'entraînement et de mesure dans le sentiment qui est le moins susceptible de mesure. Outre cette cause et le caractère propre de Jean d'Avila, notons qu'il n'appartenait à aucun ordre monastique. Cette remarque indique un fait général, ou qui souffre peu d'exceptions. Le prêtre, surtout quand il s'adonne à la prédication et à la conduite des âmes, est préservé par ses occupations de chaque jour contre l'excès du mysticisme. Le moine, pour ainsi dire, il est convigné par état, et devant lui les longues heures de la cellule l'ouvrent à la contemplation mystique des horizons sans bornes, surtout quand la règle sollicite peu l'activité du corps ou de l'esprit, et laisse à la pensée plus de loisirs pour se plonger dans les rêveries d'une vague piété ou dans les enivrements de l'extase. Rien de semblable chez Jean d'Avila. Il est mystique par la doctrine du renoncement et du détachement, de la contemplation presque passive, surtout de l'amour divin, et par le but qu'il offre à l'âme, l'union divine par l'amour. Mais son mysticisme d'instinct est contenu par la crainte de l'inquisition et la préoccupation de la réforme, d'une part, de l'autre, par la sagesse et l'expérience d'un directeur de conscience. Aussi ses écrits n'offrent-ils rien de dangereux ni d'exalté, ce n'est pas non plus un mystique d'école, il ne faut pas chercher en lui un docteur du mysticisme, qui en présente la théorie sous forme de système, il en reproduit seulement l'esprit. Quoique versé dans les deux théologies, on ne trouve pas chez lui l'ombre des formes scolastiques, et il ne ressemble aucunement sous ce rapport à Gerson qu'il aimait qu'il cite assez volontiers. Il se distingue par un calme, une douceur et une modération bien éloignées des emportements de quelques-uns de ceux qui vinrent après lui. Il rappelle Fénelon ou François de Sales bien plutôt que les audaces de Jean de la Croix, ou les dures exigences de la voix étroite telle que l'entendait l'abbé de Saint-Cyran. On a de ce dernier des lettres chrétiennes et spirituelles, écrites presque toutes de sa prison du bois de Vincennes et qui pour la plupart sont des lettres de direction. L'une d'entre elles était adressée à une jeune princesse qui lui avait communiqué le désir qu'elle avait d'être religieuse. Elle ne contient pas moins de 25 chapitres, et forme un véritable traité qui ne manque pas d'analogie avec celui de Jean d'Avila. La pensée première est la même, fuir le monde pour être à Dieu, les instructions, les conseils portent sur les mêmes sacrifices à faire, sur les mêmes devoirs à remplir. La position est presque identique chez les deux néophytes. Ces rapprochements ne servent qu'à mieux faire ressortir la différence profonde qui sépare les deux écrits. Dans celui de l'abbé de Saint-Cyran, on sent partout le janséniste qui semble craindre de laisser parler son cœur, qui regarde toute effusion comme une faiblesse, chez qui la bonté même est sévère. Il prêche l'humilité, mais durement, il n'abaisse pas, il écrase. Il s'excuse de n'être pas assez rigide. Quelle effrayante peinture des périls du monde, où il est presque impossible de se sauver, pour les grands surtout que Dieu ne peut gagner que par des violences. Partout des pièges, des précipices, des écueils, des tempêtes et des tourbillons formés de feux de la concupiscence. Sans cesse la colère et l'horreur de Dieu pour ce monstre composé de vie et de mort qui réside dans l'âme mondaine, ou, pour mieux dire, qui n'est rien que l'âme mondaine, tout cela répété, à coups redoublés, en paroles de tonnerre, un sentiment moins exagéré, une intelligence plus exacte de la nature. Et aussi le calme et la modération de son mysticisme donnent à Jean d'Avila un ton plus doux et plus humain, non moins exigeant en réalité. Il s'efforce d'insinuer la persuasion et non de l'imposer, il ne dissimule pas les écueils de la vie du monde, mais ce qui rend moins lugubre le tableau qu'il entrace, c'est la contrepartie qu'il expose avec tant d'abandon. L'amour de Dieu vient éclairer d'une lumière consolante et sereine ces ombres terribles. A-t-il fait trembler, il rassure, craint-il d'avoir brisé l'âme par l'effroi, il lui rend la confiance, la console par la pensée de l'amour qu'il unit à sous Dieu. C'est là son point de départ et son point d'arrivée, c'est par là qu'il est mystique. L'histoire du mysticisme, surtout du mysticisme chrétien, c'est l'histoire de l'amour de Dieu. Jean d'Avila eut un grand nombre de disciples, mais Saint Jean de Dieu et Diego Fré, de Valladolid, furent ses fils spirituels. Jean de Dieu, 1495-1550, né en Portugal, vécu en Espagne, il fut d'abord soldat. Un sermon de Jean d'Avila décida de sa vocation religieuse, c'est ce qui explique que celui-ci, quoique plus jeune que lui, ait été son maître. Une tendance très prononcée à l'ascétisme n'excluait pas, chez le fondateur de l'ordre de la charité, un ardent amour de ses semblables, sa piété fut active et dévouée. Il ne laissa aucun ouvrage et ne donna pas même de règles écrites à son ordre. Diego Fré écrivit au contraire des traités assez nombreux, entre autres sur le recueillement intérieur et sur le chemin de l'oraison. Lorsqu'il mourut, il travaillait encore à un ouvrage de Comparanda Sapientia. Il professait l'écriture sainte à Barcelone, ville qu'il remplit de ses sermons et de ses disciples. Comme son maître, il s'adonnait avec une aptitude spéciale à la prédication et à la direction. Comme lui, il fut déféré au Saint-Office, et même emprisonné pendant quelque temps. Il eut l'idée de quitter l'Espagne pour fuir la persécution. Il mourut en 1589. Le but de cet essai n'exige pas que nous tirions Diego Fré de l'obscurité où il repose aujourd'hui. Il suffit de l'avoir signalé comme appartenant à l'esprit et à l'enseignement de Jean d'Avila. Sans arrêter plus longtemps le lecteur, nous arrivons à Louis de Grenade, l'estime et la vénération que le célèbre dominicain professait pour l'apôtre de l'Andalousie, son ami et son aîné de 4 années seulement. Le soin pieux qu'il prit d'écrire sa vie, permettrait presque de l'appeler aussi un disciple de Jean d'Avila. Fin de l'extrait. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.